frappe, frappe, frappe, frappe, frappe de rapide que le cône géographe sur le beat. Je speed et je prends une grosse barre, péter le son dans les bars, un cocktail explosif. Bah, bah, bah, bah. Dans mon rap production, j'hésite la libre expression, plus qu'une pub, une réfraction, retemplir réfraction. Dans une fraction de seconde, seconde réaction, et dans la compréhension, ma première interpellation. Pas de logique, d'émotion, d'expression et de revendication, d'insoumission et de révolution. On est tous de vrais cons, on défendront les moutons qui veulent que nous soyons. Et je crache sur le pognon, c'est du rap rébellion, pas de gonfa et grand million. C'est du rap de Robert Nesta, à Nelson Mandela, de Malcolm X à ce morceau six. C'est du rap pauvre en paix comme en Fadjou, va partager des macroupes de Gaza à Beyrouth. C'est du rap pauvre en paix comme en Fadjou, va partager des macroupes de Gaza à Beyrouth. Tu veux l'expression libre, de la libre expression, demande à mes vocales. F.U. Roussey Ban sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Tu veux l'expression libre, de la libre expression, demande à mes vocales. F.U. Roussey Ban sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Le savoir est une arme et la parole est une balle. La gâchette est sensible, donc sois précis quand tu parles. Réfléchis un peu avant de prendre le mic. Si on te clash en moins de deux, faudra pas le prendre mal. Libre expression, mais trop l'utilisateur. Une simple mise à la main peut devenir une subtile mise à mort. MC, maîtrise bien les mots employés. Lâche le mic et va pointer à Pôle emploi. Le rap s'est dénaturé par des mecs peu matures. Ton texte avant de le rapper mérite quelques ratures. Le message est important dans chacun de nos textes. Le choix de nos thèmes qui délivre ce qu'on a dans nos têtes. Y'a un tas d'MC qui ont la dalle et taf dur. Mais comment faire sans thune quand s'étalent les factures? On fait pas du rap qui plaît, mais ce qui nous plaît dans le rap. On continue de brailler pour le kiff, pas pour le genre art. On continue de brailler pour le kiff, pas pour le genre art. Pas pour le genre art. Tu veux l'expression libre, de la libre expression, demande à mes vocales. F.U. Roussey Ban sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Tu veux l'expression libre, de la libre expression, demande à mes vocales. F.U. Roussey Ban sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Pourquoi m'inquiéter du futur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi être stressé? Je saisis toutes les occasions pour répondre la vérité. Seul le présent est vrai, alors je l'accepte tel qu'il est. C'est cela mon expression libérée. Ma libre expression c'est aujourd'hui et non demain. Les espérances passées m'ont permis d'être serein. La critique, les médisances ne font plus partie de mon existence. Je cherche le mieux en toute situation, en toute chose. Quelle que soit l'épreuve, je reste digne. Ma libre expression s'enflamme contre l'injustice. Contre le tourment, je vais être utile à la société, avoir un regard compatissant. Libre, je dis bye à Babylone et son règne. Où est donc votre part d'expression libérée? Ma part d'expression libre, c'est en tous les hommes que je la trouve. Je suis libre si tous les hommes le sont et se retrouvent. Pas besoin de stress et de paillettes, car une fois de plus, la colonne s'est libérée. Tu veux l'expression libre, de la libre expression, demande à mes vocales. F.U. Roussey Ban sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Tu veux l'expression libre, de la libre expression, demande à mes vocales. F.U. Roussey Ban sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Sur le solo à Gilel, de l'encre sur les ailes. Je me bats pour défendre mes opinions, c'est un combat. Face à l'état, je roule des pilons et finis dans un sale état, etc. Au mic, j'arrive comme un extraterrestre. T'as pas de featuring avec moi, ça veut dire que t'es pas terrible. C'est express. Combien kicker sur l'opus à verso? On vient défendre nos opinions avec l'objectif de percer. Message perso, comme Harry Pierce, viens mettre des coups de raquette au mic. Je reste aussi vite que le Bob aura sa roquette. Yo Mike, j'ai trop la dalle, je vais pas laisser une miette. J'ai la liberté d'expression, jamais je retournerai ma bête. 12ème mesure, constate que je suis toujours aussi à l'aise. J'ai beau être dans le nord de la France, que moi je suis toujours à l'ouest. Tu m'as compris ou pas? Tu kiffes ou pas? Si mes gars sont invités, crois-moi qu'il y aura des dégâts. C'est perso, Seiban, FIO, alors dégage. L'express libre était en panne, alors on l'envoie au garage. Blah.